Moi, tu sais, un peu comme j'aime mon steak saignant, parce que c'est pas vrai du tout, c'est pour la blague. Là. Mais okay. Mettons que j'aime mon steak saignant, oui. J'aime mes gags malaisants. Oh! Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour les semaines du 7, du 14 et du 21 septembre 2015. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 8 septembre 2015. Elle est Stéphanie Baladi. Hey, hey, hey! Non? Ben oui. Oui, on va dire. Hein? On va dire. Je vais te faire semblant. OK. Parce que là, moi, je comprends rien. Cet été, on a changé le studio de place. Ouais. On a changé ma co-animatrice. Ouais. Pour une autre. Tout à fait. Ma console n'est pas du même bord. Mes enfants sont pas placés pareil. Je comprends plus rien. Moi non plus. Ouais, c'est ça. Bonjour Tania Baudin. Bonjour. Qui sont nos chroniqueurs? D'où arrivent-ils? De quoi allons-ils nous parler? Alors, de quoi allons-ils donc? Oui, exactement. De quoi vont-ils nous parler? Il va falloir mettre un point là-dessus, cette émission-là. Eh, hey, hein? Pas le choix. On va écouter ponctuation. Avec poésie. Eh, bonne poésie. Tu vas te faire des pop-up à chaque fois parce que ça va être long. Tout à fait. Il y en a beaucoup des jokes là-dedans dans cette émission-là. Je suis un gars vraiment funny. Ben oui. Ça pue dans le pavillon comme ça, pas mal de bon sens. Mon Dieu. On sait que la chasse-galerie était ouverte hier soir. D'après moi, ça a fêté jusqu'à très tard et certaines personnes ont eu de la difficulté. À se contenir. Exactement. À l'intérieur d'eux-mêmes. Oui. Mais bon, on ouvre la porte du pavillon et là, la draft. Ah ouais. D'odeur, de mélange de bière vomie et probablement de Axe Body Spray. Il y a un maringouin devant toi. Il y a un maringouin devant moi. Puis... Elle attrape le maringouin comme si genre c'était une balle puis elle c'était un chien. Ben, je suis désolée, je l'ai eu pareil. Oh, le chat, c'est... Lui? Oui, je l'ai eu. Sur Facebook, le gars avait accroché une GoPro au cou de son chat puis il a vu son chat se battre. Il a vu son chat manger une Tania, des chats puis des chats. C'est Tania Baudin. Pis, j'aime même pas les chats, peux-tu croire? T'aimes pas les chats? Je le déteste. T'as marre de mon studio. Un GIF boot. Ouais, donc, un genre de générateur de GIF sur place là, que vous allez pouvoir prendre une fois que vous aurez consommé toute cette bière. Plus de nombreux prix de présence. Là, on parle de 4 prix de 250$ cash qui vont être tirés. Vous avez juste à vous présenter, vous enregistrer. C'est super facile. Après ça, on vend vos données. Non, non, on fait très attention. Là, donc, il n'y a aucun risque sur les données. Toi et ton sarcasme. Oui, c'est ça. Comment ça va être interprété? Ça va faire un beau montage. Facebook? Ben oui, faut nous suivre. Aimez la page. Ouais. Twitter. Snapchat Face. Splash Face. On a ça. Snap Duck Face. Snapchat. On a un Snap Duck Face. Ah, OK. Et un chat Instant MySpace. Ah. Si jamais vous avez des idées farfelues, des idées originales, vous pouvez toujours nous les faire parvenir sur les réseaux sociaux, soit sur ma page Facebook Tania Baudin ou encore la page Facebook d'Assemblage Requis. On arrête de te plugger toi-même, plug l'émission. Ouais, c'est ça. Faut qu'on trouve un nom à ma chronique. Ton nom est un petit peu difficile. Côté jeu de mots ou altération, il n'y a pas grand-chose. Fait que j'ai comme pas grandes idées. Mais moi, j'aimais bien, vu que tu m'as englobé plusieurs sujets. Oui. Ça peut être vraiment n'importe quoi, tu sais. Tania's gonna entertain ya. Moi, je l'aime bien, celle-là. Ah, ouais, pas pire, celle-là. Pas pire, celle-là, mais ça les pourrait vôtres. Porter à confusion. Puis j'ai pris une chanson sur le fly tantôt. T'as pris une chanson. C'est comme prendre une chance, mais prendre une chanson. On dirait une émission genre à Rouge FM. Oh, prends une chanson. C'est si beau. D'amour. Joëlle Desaunier, que j'ai eu la chance de rencontrer dans les dernières semaines, qui est une styliste trifluvienne. Elle a manqué sa chance en n'étant pas une designer. Desaunier, la designer. Non. Alors, toi, ta feuille trop loin, ça va retomber dans le crack. J'ai lancé ma feuille trop loin. Ben oui, j'ai bien vu ça. Est-ce qu'on entendait ça? On l'entendait, oui. C'est le temps de ma chronique. Mathieu, j'ai hâte de voir comment tu vas me baptiser. Oui, mais je t'ai aussi écrit une chanson, Tania. OK, ça? Vas-y. OK, j'ai pas pratiqué avant. OK. Tu me jugeras pas. C'est à frette de même, le bing-bang, on enlève le diachelon. Puis on va la faire à chaque jour jusqu'à temps que tu n'aies une. Oh mon Dieu. On va pouvoir me pratiquer. Tu vas la faire seule. Parfait, ça. Oh oui. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Ah, c'était pas si pire. C'est très bon. Très léché au niveau des du visuel, mais il y a un défaut qui m'agace, c'est que ça paraît que ça a été fait avec un écran vert. Oh, ça, c'est dull, ou encore c'est dull, chez de léché. Oui, exact. T'as pas un bassin de choix, tu peux pas investir dans la formation. T'as pas de bassin, fait, tu peux pas jouer au hula hoop. Celle-là, il était pas pire. T'es pas merci, Kim. Mettons, 1 sur 10. Combien? Non, elle était bonne. Je te donne 2 sur 10. 1 sur 10. De la rue Saint-Urbain, comme je vous disais. En Saint-Urbain, plus... en passant, en anglais, pour ceux qui sont à Montréal, c'est... Saint-Urbain. Non, c'est Saint-Belt-Bath. Belt-Bath. Ceinture-Bain. Ah. Belt-Bath. Il a vraiment fait cette joke-là. Oui, et il en est fier. Le retour d'une précieuse, c'est Alexandrine Pichessire. Voici cette découverte, ces découvertes, ou plus rien, ces découvertes précieuses, précieuses découvertes, précieuses découvertes. C'est ça, non, précieuse. Je ne sais pas, Mathieu, tu vas finir par la voir. Non, ouais, c'est ça, précieuses, je veux dire. Des précieuses découvertes. Précieuses découvertes. Je vais laver mon beau grand corps, alors... Si, bon, dans les détails aujourd'hui. Alors, de quelle façon est-ce que tu commences par le bas, le haut, le milieu? Pardon? Non. Ouais, non. Je sais pas aujourd'hui ce que tu portes, Tania. J'ai pas eu le temps de regarder sous la table encore. Mais la transplantation. Transplantation, oui. Du foie. Poumon. Poumon. Poumon. De son père. Est-ce que je l'ai déjà dit? Oui, ça? T'as de la difficulté avec poumon, oui, et foie en anglais. Poumon et foie, kidney, puis l'autre, là. Liver. Liver. Je suis pas capable. c'est de même. C'est pas grave, on te pardonne. Je suis là pour te corriger. C'est une de mes caractéristiques principales. En fait. Poumon, c'est long. Ouais, c'est rien. Oh, ben, tabarnouche! Oh! Ah, je suis là pour te corriger! Moi, je suis là pour te corriger! Gabriel et moi, on vient de tomber sur une vidéo d'un gars qui fait une joke dans un stationnement souterrain avec un gars amputé avec les tripes sorties. Mais c'est vraiment... Ah, je l'ai vu, c'est drôle, oui. Et là, oui. Il se met à courroyer le monde, puis en tout cas, là... Ah, comme un zombie, mais c'est un vrai amputé, là, puis... Oui, mais c'est pas drôle, là, tu sais, comme... C'est drôle présentement, mais t'imagines la peur que ça fait. Ah, moi, je pense... C'est clair que tu meurs 3 fois. Oui, c'est ça. En tant qu'amputé des jambes comme ça, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire comme job autre que ça, tu sais? Non, c'est pas vrai. Mais je trouve que c'était au moins il se prend au sérieux, tu sais, je trouve, puis il fait des bons rôles. Moi, je l'apprécie, ce gars-là, vraiment beaucoup, tu sais. Je trouve qu'il est vraiment drôle. Oh mon Dieu, ouais, il est vraiment c'est ça, il se prend pas au sérieux. C'est une joke, tu peux faire tous les jobs que tu veux, c'est de blague. Je comprends pas le monde qui, année après année, dans des palmarès genre le séjour, disait que Marina Orsini était la plus belle comédienne au Québec. Vraiment, sont-tu aveugles, ce monde-là? Jusqu'à quel point est-ce que tu peux rire de quelqu'un et de ses handicaps? Que... Je veux pas dire que le petit Jérémy est handicapé. Ouais, il a pas l'air d'un gars handicapé. Là. Mais c'est dans ce que c'est juste des déformé, attaques personnelles. Arrêtons. C'est des attaques. Tania, je ne suis pas associé à ces propos. Vous allez pouvoir aller voir, évidemment, sur le grand site YouTube. Qui sont-ils? Tandis-moi en plus. C'est quoi? C'est youtube.quoi? Net? Peut-être. Oh. Sûrement. Biz. Point com. Ah! Si vous n'avez pas une très grande ouverture d'esprit. Ah, si vous écoutez juste la voix, mettons, là. Exemple. Ouais. On va donner un exemple. Exemple, mettons. Mettons que vous êtes fermé sur beaucoup de choses. Ouais. Ben, vous écoutez probablement pas, c'est fou. Donc, vous écoutez probablement pas le bon poste aujourd'hui. C'est fou que si vous écoutez, vous êtes dans le public cible de ce qu'on va vous dire. Les meilleurs moments d'Assemblage Requis pour les semaines du 7, du 14 et du 21 septembre 2015. Évidemment, vous pouvez entendre Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Cette semaine, Taya, t'as mis beaucoup de gens à dos, hein? C'est terrible ce que j'ai fait en onde. T'as fait des choses impossibles depuis les 3 dernières semaines. C'était tes 3 premières semaines de C'est fou à vie. Ouais. Et déjà... Ben, pas à vie, parce que j'ai eu ma propre émission durant l'été. Semaine complète, mettons. Ouais, semaine complète, mettons. D'émission du matin. D'émission du matin assez tôt. C'est... on rétrécit le... c'est ça qui est bon, mais là. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que t'avais des meilleurs moments en piste avec Tania Baudin? J'en ai pas fait. Ben, c'est ça. Mais sûrement que j'en aurais eu. Sûrement. Donc, c'était un bon petit 8 minutes 8 secondes pour les premiers 4, 8, 9, 10, 11, 11 jours. Déjà? Ça va bien. Et on va tout avoir une semaine de délai. Donc, la semaine prochaine, on entendra les meilleurs moments de la semaine du 28 septembre. C'est cool, ça? C'est excellent. Les montages sont disponibles sur assemblagerequis.com après l'émission, donc www.assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions et les chroniques. Un instant classique et les autres. Voilà. Voilà.